Chapitre 34. La recommandation en faveur des femmes. Allah Ta'ala dit: et comportez-vous convenablement envers elles. Sourate 4, verset 19. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Sourate 4, verset 129. 273. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: je vous recommande de prendre soin de vos femmes, car la femme a été créée d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est la partie supérieure. Si vous tentez donc de la redresser, vous la casserez, et si vous la laissez telle qu'elle, elle restera tordue. Je vous recommande donc de prendre soin des femmes. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et de Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la femme est comme une côte. Si tu tentes de la redresser, tu la casseras. Et si tu en tires profit, tu le feras alors qu'elle est tordue. Dans un autre récit rapporté par Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la femme fut créée d'une côte. Tu ne pourras donc jamais la rendre droite. Si tu veux donc en tirer profit, tu le feras alors qu'elle est tordue. Et si tu tentes de la redresser, tu la casseras. Et la casser, c'est la répudier. 274. Abdullah ibn Zam'a, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, faire un prêche dans lequel il cita la chamelle du prophète Saleh et l'homme qui l'avait tué. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, sourate 91, verset 12, signifie que se leva un homme respecté, méchant, sans morale et intouchable dans son clan. Puis il, alayhi salatu wassalam, parla des femmes, exhortant les hommes en leur faveur et dit: l'un de vous s'emporte parfois et frappe sa femme comme si elle était une esclave, alors qu'il va peut-être avoir des rapports sexuels avec elle à la fin de la journée. Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, sermonna ceux qui rient après un paix en disant: pourquoi riez-vous de ce que vous faites vous-même? Al-Bukhari et Muslim. 275. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le croyant ne doit pas détester son épouse, la croyante. S'il n'aime pas l'un de ses traits de caractère, il en aimera un autre. Muslim. 276. Amr ibn al-Ahwas al-Jushami, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le prophète, alayhi salatu wassalam, dire lors du pèlerinage d'adieu, après avoir loué et glorifié Allah Ta'ala, puis exhorté les musulmans: je vous recommande de bien traiter vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Vous n'avez d'autre droit sur elles, à moins qu'elles ne commettent un péché flagrant. Dans ce cas alors, ne partagez plus leurs couches et frappez-les, mais de manière non brutale. Si après cela elles vous obéissent, ne recourez à rien contre elles. Vous avez certainement des droits sur vos femmes, et elles en ont sur vous. Vos droits sur elles sont qu'elles ne permettent pas à celui dont vous ne souhaitez pas la présence de fouler votre lit ou d'entrer dans vos maisons. Et leurs droits sur vous sont que vous les habilliez et les nourrissiez convenablement. At-Tirmidhi en disant: Hadith Hassan Sahih. 277. Muawiyah ibn Hayda, radiyallahu anhu, rapporte qu'il demanda au prophète, alayhi salatu wassalam: ô messager d'Allah, quel est le droit de la femme sur son mari? Il répondit: qu'il lui donne à manger quand il mange, qu'il lui procure des vêtements quand il s'en procure, qu'il ne la frappe pas au visage, qu'il ne demande pas à Allah de l'enlaidir et qu'il ne la renvoie pas de chez lui s'il la met en quarantaine en punition de sa désobéissance. Hadith bon, rapporté par Abu Daoud. 278. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les croyants à la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. At-Tirmidhi a dit: حديث حسن صحيح. 279. D'après Iyas ibn Abdillah ibn Abi Zubab, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ne frappez pas les adoratrices d'Allah, c'est-à-dire les femmes. » Omar, radiyallahu anhu, alla trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Les femmes sont devenues insolentes avec leurs maris. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, permit alors qu'on les frappe. De nombreuses femmes se rendirent par la suite auprès des épouses du messager d'Allah pour se plaindre de leur mari. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « De nombreuses femmes sont venues se plaindre de leurs époux auprès de la famille de Muhammad. Ceux-ci, qui frappent leurs femmes, ne sont certainement pas les meilleurs d'entre vous. » Abu Daoud. 280. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, a dit « Ce monde est une jouissance éphémère, et la plus grande de ces jouissances est la femme vertueuse. » Muslim. 281.